Chapitre 22. Ces pauvres riches. Encore Ragdal, encore sa grande image. Le lendemain matin, ayant digéré les outrages et rembarré son nouveau crampon, cette peste de Julie, il monta dans sa voiture au mois et, la voix grosse d'orgueil contenue, il claironna « À la banque Bonnaire ». Le coupé fit la bon train et 10 minutes après, s'arrêta devant le lourd palais de pierre et de marbre du gros faiseur. Ragdal traversa le hall immense et présenta le bon du comte de Charmeuse au caissier. Celui-ci tourna et retourna le papier en tous sens, le faisant claquer sous ses doigts, regardant au travers, flairant déjà un faux. Diable ! Un ordre du gendre à Bonnaire, qui n'avait aucun compte ouvert à la banque ? C'était singulier. Pourtant, après tout, comme il menait la vie à grand guide, c'était possible après tout. « Ceci n'est pas régulier, » fit-il comme conclusion. « Il m'importe peu, » fit insolemment Ragdal. « Si ce chèque à vue n'est point soldé, je sais ce qu'il me reste à faire. » Il y eut à la caisse un long conciliabule entre employés. « Nous allons en référer à M. Bonnaire lui-même, » finit par dire solennellement le caissier. « Faites donc ce que vous voudrez, mais je vous préviens que je suis pressé et que je n'attends jamais après mon dû. Mais monsieur, il n'y a pas de monsieur. Bonnaire paye-t-il, oui ou non, un ordre à vue signé du comte de Charmeuse ?» Ragdal, sûr de l'effet, élevait la voix très haut. Le caissier effaré disparut dans un escalier en colimaçon, tandis que l'homme au chèque se promenait de long en large dans le hall, attirant sur lui tous les yeux et faisant sonner ses talons neufs. Un garçon de banque interrompit bientôt ses allées et venues impatientes pour le prier de monter dans le cabinet de M. Bonnaire. Le fier Ragdal se laissa installer dans l'ascenseur et, après un temps, il pénétra, très roide et empesé, chez le financier. Bonnaire compulsait nerveusement les paperasses éparses sur un grand bureau ministre. Il reçut son visiteur assis, posa un carreau sur son œil droit et demanda « C'est vous qui venez pour toucher ça ?»« Parfaitement, » répondit Ragdal. « Est-ce que vous savez que monsieur le comte de Charmeuse n'a point de crédit dans ma banque ?»« Non, certes, sans quoi j'aurais refusé son règlement. Mais après tout, cela m'est égal. »« Ah, vraiment ? » ?»« Pourtant, 50 000 francs, c'est une somme. » Que monsieur le procureur de la République, où je vais de ce pas, me fera sans doute régler, continua Ragdal. Bonnaire fixa son homme dans les yeux. Il se sent bien fort, pensa-t-il, prenons garde. Et à haute voix, je n'ai pas l'habitude d'entendre un pareil langage. Pas plus que moi de voir un chèque impayé, fit le gredin, ripostant du tac au tac. Le banquier se contenait avec peine. Que décider ? Et que faire ? Enfin, il prit son parti. Vous vous appelez ? Vous êtes ? Vous demeurez ? Ragdal déclina ses noms, qualités et résidences d'un ton ferme. Alors ? Interrogea Bonnaire. C'est une dette de jeu. C'est une dette, simplement. Le malheureux Bonnaire eut une sueur d'angoisse et hésita quelques secondes. Puis mettant son paraphe sur le bon, il le tendit à Ragdal en disant « Passez à la caisse. » Le gros, gras et avaricieux Bonnaire avait reçu ce coup droit en plein cœur, en plein coffre. Pour cette fois encore, il voulait sauver les apparences, quittant crevé de rage et de fiel. 50 000 francs. Il allait bien, le monsieur Roger. Donc, plus rien à la banque. Tout avait filé chez Suzanne, cette salope qui l'avait ramassée dans l'égout et qui s'élevait au pinacle pour sa ruine. C'était affreux. Et idiot ! Bonnaire ne fit qu'un bond jusqu'à la rue Saint-Dominique, où il osait enfin rentrer pour crier au voleur. Le comte n'était pas visible, naturellement. Le banquier entra en coup de vent dans l'appartement de sa fille, bousculant le personnel. Adrienne était accoudée à une petite table, songeuse, une vision dans les yeux. « Qu'y a-t-il, mon père ? s'écria-t-elle, toute saisie de cette brusque et insolite irruption. Il demanda, tout essoufflé, « Ton mari, où est-il ? » « Mais dans son appartement, je pense. Sa voiture vient de rentrer à l'instant. » « Bon, qu'il vienne, il le faut. Tu m'entends ? Je te dis qu'il le faut. » Sans ça, nous sommes tous sur la paille. Tu entends ? Sur la paille ! Tout ce que j'ai gagné si durement passe entre les mains de... Ah, oh, mon Dieu ! Avoir tant travaillé ! Adrienne aurait voulu, nous connaissons sa pauvre âme, aimer, adorer et respecter son père. Le pouvait-elle, la chair sensitive ? Tout était gouffre et abîme sans fond dans sa vie lamentable. Et encore, si elle avait su. Car, au moment même où Bonheur était entré, elle cachait dans son sein le portrait de l'ingrat, du père de sa toute petite chérie, de sa rose aimée qu'elle n'aimait plus. Oh, si elle avait su, la jeune mère énamourée, que son fiancé avait été comme elle, victime d'un lâche guet-apens dont son père était le seul auteur. Quelle explosion d'amour pour le cher calomnier, quel sanglant mépris pour son père. Méritait-il seulement ce nom, le misérable, esclave de l'argent, le gueux prostitué devant le veau d'or? Mais Adrienne ignorait tout. Victime du plus pur amour, elle s'était donnée, Jean l'avait prise... Elle avait laissé avec un enfant que Monsieur de Charmeuse gardait noblement. Elle ne savait rien d'autre. Elle sonna Julie, qui accourut, les yeux lourds. La jeune comtesse crut lire la douleur qui était en elle. D'une douce voix, de pitié et d'indulgence, elle dit « Julie, priez donc Monsieur le comte de vouloir bien venir chez moi, s'il lui plaît. » La petite peste tourna les talons et pouffa. Sûre, elle ferait rire Ragdal, lui qui aimait les potins. Non, mais qu'est-ce qu'elle écouterait à la porte? C'était pas pour de rire. Papa Bonheur, Madame l'ingénue en larmes, le contre-appliquant, un joli coup dans la fanfare. Elle esquissa un mouvement de chahut. Et allez donc! Comme les autres, elle avait Ragdal dans la peau et dans le sang. Le salaud. Le grand chéri minou de la mère Chopin, il avait une de ces façons de vous allumer une gigolette, de se la fixer comme ça ardemment, ses chats s'en plein dans les mirettes. Oh, quelle secousse! Pauvre alouette! Elles y tombaient toutes! Et lui, alors, marchait. Et on en redemandait. Donc c'était bien. Le comte parut, très féodal, ayant l'air de demander ce qu'on lui voulait, vive Dieu. Bonheur avait dû entreprendre sa fille, car Adrienne pleurait à chaudes larmes. « Monsieur de Charmeuse, dit le banquier, une explication entre nous est nécessaire, indispensable même. »« À quel sujet, monsieur Bonheur ? » ?»« Et parbleu, vous le savez bien. » Il lui mit le chèque de Ragdal sous les yeux. « Vous connaissez ça, hein ?» La présence de Madame de Charmeuse à notre entretien vous paraît-elle utile ? Fit le comte en désignant Adrienne en larmes. Absolument, car c'est sa fortune comme la mienne que vous êtes en train de dilapider, et nous allons y mettre ordre. Expliquez-vous plus clairement, monsieur Bonheur, et arrivons immédiatement au fait. Et le fait est patent. Vous avez tiré un chèque de 50 000 francs sur ma caisse, et j'ai dû le solder. Naturellement. Hein ? Suffoqua Bonheur, vous dites comment, naturellement? Oui, et puisque vous m'obligez devant madame votre fille à parler chiffres, je vous rappelle que sa dot était de 3 millions, dont un tiers seulement déposé à la Banque de France. Sans doute, et vous n'avez plus rien. Pardon, vous me redevez encore 2 millions. Bonheur feignit le plus grand ahurissement. 2 millions, vous dites, mon gendre? Je répète, 2 millions. Ah ça, vous n'avez donc pas écouté la lecture de votre contrat, vous ne l'avez donc pas examiné en détail? Ma foi, non, c'est trop long et embrouillé pour moi. Mais le chiffre que je viens d'indiquer y figure certainement. pas comme argent liquide, et vous n'en avez pas la libre disposition, il vous faudrait le consentement d'Adrienne. Oh mon Dieu, je le donne bien volontiers, fit la jeune femme. Ne parlons plus de cela, je vous en prie. Parlons-en au contraire, se récria Bonheur, car il faut aussi ma signature pour vendre des valeurs et des propriétés dont vous n'aurez de mon vivant que les intérêts. Mais alors, vous m'avez trompé indignement, protesta Roger de Charmeuse, indigné et atterré. C'est un vol, et vous êtes le dernier des misérables. Et vous donc, dit cyniquement Bonheur, quel nom donnerez-vous à la chose de... Adrienne de Charmeuse se tordait les mains désespérée. Ce hideux marchandage l'écœurait, et elle eût voulu être à 100 pieds sous terre. Le comte de Charmeuse le comprit, et il eut pitié d'elle. « C'est bien, monsieur Bonheur, finit-il par dire. Je vais réfléchir et j'aviserai. » Et il se retira très pâle, en saluant la jeune comtesse qui resta seule avec son père. Elle n'était pas au bout de son martyre.